La Vierge de l'Opéra par Emmanuel Gonzalez, chapitre 1er. Tous les habitués du café Procope ont connu pendant quelques années un pauvre diable de peintre nommé Paul Saveuse, qui jeta tout à coup un assez vif éclat au salon de 1830 et quelques, où il avait exposé un admirable portrait de la chanteuse Flora. On parla beaucoup de ce génie naissant pendant 3 semaines. Quelques grandes dames désertèrent même le pinceau soyeux illustré de M. Dubuff pour celui de Paul Saveuse. Enfin, quelques journalistes s'engouaient déjà de ce Rubens improvisé, amant heureux de la couleur, qui allait leur servir de prétexte pour foudroyer l'école abstraite et métaphysique des Ingres et des Archischeffer, lorsque Saveuse vint tout à coup à disparaître. On fit beaucoup de conjectures dans les ateliers sur cette absence mystérieuse. Il fut surtout question de chagrin d'amour. Les uns prétendirent qu'il s'était suicidé, les autres qu'il s'était fait trappiste. Ses amis prétendirent qu'il avait enlevé une héritière folle de son talent et qu'il était parti pour Gretna Green. Les rapins affirmèrent qu'il avait signé l'œuvre d'un confrère absent, lequel lui avait confié le portrait de la Flora pour terminer quelques accessoires ébauchés, et qu'il avait fui pour éviter la honte d'une rétractation publique. Quelle que fût la vérité, Paul Saveuse fut oublié au bout d'un mois, et le nom du malheureux jeune homme, prononcé aujourd'hui à l'atelier ou au café Procope, n'éveillerait guère que le souvenir de 2 ou 3 coureurs de la bohème qui s'étaient vivement liés d'amitié avec lui. Saveuse avait fait sur moi une impression profonde. C'était un si excellent et si original garçon. Naïf comme un enfant, spirituel comme un gamin de Paris ou un journaliste de petit format, rêveur et enthousiaste comme un poète, tantôt aussi indolent qu'un nègre, tantôt plus travailleur qu'un surnuméraire, il offrait à l'œil de tous les observateurs tous les contrastes. Ce n'était pas un de ces faux bons enfants qui ne font de mal à personne et du bien qu'à eux-mêmes. Tous ses amis avaient le droit de vider sa bourse. Il regardait un peu le monde comme une hôtellerie où tout est prêté, mais où rien ne vous appartient réellement. Aussi n'éprouvait-il aucun désir, aucun attachement égoïste pour ses honneurs et ses trésors que la société expose comme un appât irrésistible à la vue des hommes. « Je ne veux pas user ma vie à monter au mât de cocagne, » disait-il souvent. « J'aime mieux me coucher aux pieds et regarder dégringoler les autres en écoutant chanter les oiseaux. » Il connaissait les hommes, et pourtant il ne les méprisait pas, observant très sérieusement que sans les vices il n'y aurait ni opéra, ni ballet, ni tableau, ni statue, ni roman de Georges Sand, ni serment de Monsieur de Ravignan, ni gazette des tribunaux. Qu'on ne gagnerait guère au règne absolu de la vertu que la suppression des tragédies et des rosières, et qu'après tout le monde deviendrait triste comme un temple de protestants, du moment que les hommes n'auraient plus d'autre distraction légitime et permise que celle de voir lever l'aurore. Lorsque Saveuse était en heureuse veine d'argent, il ne s'occupait pas à thésauriser, mais bien à vivre quelques jours en satrape. Il achetait des gants et hantait l'opéra et le café de Paris. Il frétait un canot et allait pêcher des goujons à Port-Marly. Il cavalcadait au bois comme un sportman amateur. Il faisait des armes chez Grisier et envoyait des bouquets gros comme des arbres à quelques célimènes de la Chaumière qu'il invitait à venir vider avec ses amis quelques flacons de rosolio. Après s'être retrempé pendant 4 ou 5 jours dans cette existence de nabab, Paul rentrait à l'atelier, reprenait la vareuse et travaillait 3 mois de suite comme un manœuvre en mangeant des pommes de terre cuites sous la cendre et en buvant de l'eau. Une chose étrange chez ce garçon, c'était sa timidité extraordinaire avec les femmes. Il les vénérait comme des anges et ne souffrait pas qu'on en parlât mal devant lui. Nous ne lui connûmes pas de maîtresse. Souvent nous nous étonnâmes qu'une organisation si passionnée ne subît aucune atteinte de ce doux mal, l'amour, car on ne pouvait donner ce nom à des rencontres où le hasard et le caprice avaient seuls pris part. C'était cependant un assez fier cavalier que notre amie Saveuse, des yeux de lion, doux et étincelants à la fois, sous des sourcils noirs et bien arqués, un nez aquilin, des lèvres franches et colorées, un teint légèrement bistré, une abondante chevelure fauve, de larges épaules et une taille de jeune fille. Aussi l'appelions-nous souvent au café Procope le héros de roman. Le roman seul manquait. Cependant, je n'avais plus entendu parler de ce pauvre Saveuse, et comme les autres, je l'avais à peu près oublié lorsque je partis il y a 3 mois pour le Havre en artiste, la blouse sur le dos et le bâton en main, tout comme si les chemins de fer et les bateaux à vapeur n'eussent pas encore été inventés. Ce qui m'attirait réellement au Havre, c'était le désir de revoir une charmante personne dont je commençais à me sentir l'esprit fort occupé et dont je croyais avoir attiré l'attention parce que nous avions chanté ensemble tout l'hiver dans les salons le duo de la Lucia et que je m'étais plu à attribuer à l'émotion de son corps l'expression déchirante et passionnée de sa voix. J'étais bien prêt de devenir infidèle aux mœurs essentiellement célibataires de la Bohême. J'étais curieux de voir sur ma route l'église de Caudebec, dont beaucoup d'artistes m'avaient parlé comme d'une véritable merveille. Je m'arrêtai donc dans cette petite ville qui dort au bord de la Seine, avec sa ceinture de vergers où neigeait alors la fleur des pommiers, et je courus admirer cette église gothique, véritable bijou de pierre ouvragé et sculpté comme une dentelle par le ciseau de grands artistes amoureux de la fantaisie. J'entrai dans l'église silencieuse au moment où le soleil couchant teignait la rosace de pourpre et d'or, et dans ce vaisseau où toute une création sculpturale et chimérique semblait prier, glapir, remuer et tourbillonner, je ne vis qu'un seul homme noir, agenouillé au pied d'un autel, dans une pieuse et mélancolique attitude de recueillement. Distrait par le bruit de mes pas, il tourna la tête et, jugé de ma surprise, je reconnus Paul Saveuse, le peintre de la Flora. Mais Paul, avec des yeux caves et rougis, le front vidé, les tempes dévastées, Paul vieillit de 20 ans. Il me regarda d'un air étonné, comme un homme qui cherche péniblement à rassembler des souvenirs confus, et moi j'allais à lui les bras ouverts. Il me reconnut enfin, se leva, me fit discrètement signe de le suivre, et quand nous fûmes sortis de l'église par une petite porte latérale, il m'embrassa avec un sourire bienveillant et triste en me disant « Lucien, veux-tu accepter l'hospitalité frugale d'un pauvre diacre ?» Je ne veux pas m'étendre sur les détails de cette singulière rencontre. Je retrouvai dans le diacre Saveuse le même cœur enthousiaste et tendre que chez le peintre de la cantatrice Flora. Mais en vain j'essayais de sonder sa blessure secrète. Il évitait opiniâtrement tout ce qui se rapportait à son étrange disparition. Cependant, lorsque je lui confiai le motif de mon voyage et l'espérance qui me guidait, il me regarda tout à coup avec une expression de douleur et s'écria « Ne fais pas cette folie, Lucien. Ne va pas, toi aussi, mettre tout ton bonheur en jeu sur le caprice d'une femme. Crains d'aimer, si tu aimes. Tu ne seras qu'une victime, qu'une dupe. » « Je ne te reconnais plus, Paul, lui dis-je. Tu te serais battu autrefois avec quiconque eût soutenu devant toi une pareille opinion. »« C'est que je n'avais pas souffert, mon ami, » reprit le diacre avec douceur. « Vois-tu, Lucien, il faut se garder de confondre les amourettes d'étudiants et les intrigues de galanterie avec l'amour. Ce terrible revenant dont on parle beaucoup et qu'on ne voit jamais, » dit La Rochefoucauld. « Mais moi, je l'ai vu, et j'ai senti son étreinte et sa morsure, Lucien. » Je sais que l'amour est un fluide magnétique qui vous éblouit comme l'éclair, qui vous dompte malgré vous et qu'on subit lâchement. Il ne réunit pas deux êtres dans une communauté libre, volontaire et sympathique. Ceux qui ont dit cela ont fait un mensonge. Entre deux créatures qui s'aiment, il y a toujours un maître et un esclave qui a la chaîne au cou, une dupe et un fripon. Peut-être as-tu raison, lui dis-je. Mais avoue qu'il serait glorieux d'être aimé d'une femme qui aurait pour elle l'esprit, le cœur et la beauté, car celle-là, à coup sûr, vous aurait distingué et choisi. Glorieux, répéta Saveuse avec un sourire ironique. Ce mérite qui flatte si fort la sotte vanité de tant de don Juan haut sur cravate est bien mince quand on réfléchit que l'amour ne raisonne jamais. C'est un sentiment égoïste et cruel qui ne vit que de lui-même. Et chez les modernes comme chez les anciens, le dieu perfide n'a jamais marché qu'avec un bandeau sur les yeux. La beauté même est insignifiante en amour, car ce n'est qu'une question de temps. Les femmes aimeront presque toujours un homme plutôt pour ses défauts que pour ses qualités, car elles ne seront jamais en peine de forger des mérites à celui qui aurait eu la ruse et l'audace de leur attacher la chaîne au cou. Tu restes incrédule, n'est-ce pas? Eh bien, puisqu'il le faut, ajouta-t-il avec un soupir douloureux, je vais appuyer mes paroles d'un récit vrai et terrible. J'avais fait vibrer la corde sensible dans le cœur de Saveuse et j'écoutais, pris d'une avide curiosité. « Te rappelles-tu encore ?» commença le diacre. « Dans ce grand Paris, on oublie si vite. Cette admirable Flora, cette cantatrice passionnée et inimitable qui fut l'orgueil et l'amour de notre folle jeunesse et que les femmes envieuses elles-mêmes ne purent s'empêcher d'applaudir et d'aimer. « Quel rêve !» fit cette femme. C'était une reine qui, comme tous les grands conquérants, ne devait pas avoir d'héritier de son talent suprême. On succède à ces artistes de génie, on ne les remplace jamais. Elle avait dans son regard, dans son chant, dans son jeu, je ne sais quoi de divin qui passionne et enthousiasme le public comme une révélation. Sa voix, timbrée comme le cristal et l'argent, veloutée comme la caresse d'une main adorée, était douée de ce fluide électrique qui fait vibrer dans votre poitrine chaque intonation. Et quelle tragédienne éplorée et superbe! Comme les voiles des filles de Syrie se drapaient admirablement sur ses formes nobles et pures, comme son teint olivâtre se dorait aux bizarres reflets de la rampe, et quelles étincelles d'un feu sombre brillaient, semblables aux éclairs qui traversent la nuit orageuse, dans ses grands yeux de velours où la passion brûlait les larmes. Oh, je la vois encore, Lucien, je la vois telle qu'elle m'apparut ce premier jour où j'entendis frémir et vibrer sur la scène sa voix magnétique. J'oubliais la fiction du poète. Je vieillis en un instant de plusieurs siècles. Je me cramponnais au pilier de ma loge pour ne pas m'élancer vers cette noble fille insultée, accusée et qui priait pour son père. Car pour moi, il n'y avait plus ni scène, ni décor, ni chanteuse. J'étais tenté de crier à tous ces gens immobiles, silencieux, absorbés, qui remplissaient la salle, à ces femmes oscilles desquelles je voyais trembler des larmes. « Mais sauvez-la donc, mais priez donc pour elle, mais allez à son secours !» Je mordais mon mouchoir de mes dents contractées. J'étais fou. Quand l'acte fut fini, on eut encore entendu voler une mouche dans la salle. C'était une stupeur d'enthousiasme et d'admiration. Des banquiers, habitués de l'orchestre, étaient émus. Nul n'eut la force d'applaudir. Je compris que des hommes se fissent tuer ou se ruinassent pour l'amour de cette femme. Eh bien, cette grande cantatrice, cette tragédienne adorée, cette reine, était la plus honnête fille de la terre. Amoureuse de son art, elle travaillait avec une ardeur infatigable et nourrissait de son gain toute une tribu de parents, de frères et de sœurs. Quant aux tentations, elle ne lui manquait pas. Des banquiers la mettaient à l'enchère, et leurs offres la faisaient pâlir comme pâlit un homme de cœur qui reçoit un soufflet. Des princes allemands et des pairs d'Angleterre lui proposaient un mariage de la main gauche, et elle leur répondait avec un triste sourire « Ce n'est pas moi, c'est ma voix que vous épouseriez, et vous me condamneriez à ne plus chanter pour tout le monde, je ne veux pas être un oiseau en cage. » Des étudiants de 10e année et des sportsmen ruinés lui écrivait des déclarations en style échevelé ou classique. Celles-là, elle les gardait par rang d'ordre dans un petit reliquaire. « Vieille, cela m'amusera de relire ces griffonnages, disait-elle, et ce sera un souvenir chronologique de mon beau temps. » Des lâches dont elle avait rejeté les offres lui envoyaient des lettres anonymes où il la menaçait de sifflets outrageants. Ces lettres-là, elle les brûlait en disant « Les malheureux !» Quelqu'un de leurs amis n'aurait qu'à trouver ces lettres par hasard et à reconnaître leur écriture. Quelle honte pour eux! Quant au sifflet, elle n'en avait pas peur. Elle savait bien que, tant que la voix n'hésiterait pas dans son gosier, elle aurait tout le public pour défenseur. N'est-ce pas, Lucien, que c'était une noble créature et que celui qui eût pu toucher son cœur eût dû s'estimer plus heureux qu'un dieu? Tu sais, Lucien, quelles étaient ma haine et mon mépris, injuste peut-être, pour les femmes de théâtre. À coup sûr, c'était là ma seule intolérance, car j'étais d'un naturel facile et bienveillant. Mais j'avais une répulsion instinctive et que je croyais insurmontable pour ces créatures de phare et de mensonge. Pourtant, je me sentis entraîné par un attrait invincible vers cette belle et sérieuse Flora. Chaque soir, j'allais me cacher au fond obscur d'une loge et m'enivrer des accents de cette voix magique qui pénétrait comme une flèche d'or dans mon cœur, en me faisant tressaillir des frissons mêlés de volupté et de douleur. Quand le moment de son entrée en scène approchait, mon sang se tournait dans mes veines, je devenais pâle, et des éblouissements passaient devant mes yeux comme un voile. La scène nageait pour moi dans un brouillard lumineux et vague, où peu à peu se détachait la forme enchanteresse de Flora. Ma pensée ne pouvait plus se séparer d'elle. Il me semblait que depuis longtemps je la connaissais, que ses traits étaient familiers à mes souvenirs et à mes rêves. Je la voyais glisser, ombre adorée et souriante, dans les paysages confus de mon enfance. Non, la tunique du centaure ne s'incrusta pas plus ardemment aux épaules d'Hercule que l'image de Flora dans mon âme. Je combattis tout un mois contre cette passion insensée, contre cette fièvre dévorante qui brûlait mon sang. J'étais devenu morose et silencieux, moi, votre gai compagnon. Je ne pouvais toucher mes crayons et mes pinceaux, qui, machinalement, ne retraçaient plus sur la toile que les traits et les costumes de la cantatrice. Mieux valait affronter le danger en face. Je me fis présenter chez elle. On m'avait tant parlé de sa fierté et de sa hauteur capricieuse envers les hommes les plus éminents par leur position ou leur fortune, que je m'attendais presque à un accueil plein de dédain. Quelle fut donc ma surprise, lorsqu'au moment où je m'inclinais vers elle, je la vis me tendre la main en souriant et me dire, à moi, pauvre peintre inconnu, avec une douceur adorable, « Il y a longtemps que je vous attendais, Paul, mon frère. » Je restai muet de surprise, n'osant serrer sa main dans la mienne et la regardant avec des yeux effarés. Par une étrange fantaisie, au lieu du costume noir et sévère qu'elle portait habituellement chez elle, la cantatrice avait revêtu le corsage rouge et la jupe de laine brune de nos paysannes de Bigorre, et tordu à leur manière ses longs cheveux noirs et ondés en une seule tresse piquée çà et là de nœuds de ruban. « Ne reconnaissez-vous donc plus votre petite annonciade ? » reprit-elle. En effet, c'était une enfant de nos montagnes à laquelle j'avais souvent pensé, une paysse, comme disent naïvement nos soldats, qui se souvenaient de m'avoir donné pour la première fois le nom de frère, une nuit où je venais de la sauver de la mort au milieu du gave débordé et furieux. Mais quelle métamorphose ! L'enfant était devenue une femme. Ce soir-là, Flora ne reçut personne, et nous causâmes du passé avec des rires et des larmes. Voici comment j'avais connu Annonciade, lorsqu'elle n'était qu'une petite pastoure de 12 ans. J'en avais 18 alors. Le bel âge, Lucien. J'étais l'un des plus hardis nageurs qui eussent jamais traversé le gave, et un des plus agiles et des plus heureux chasseurs qui eussent jamais bondi de pic en pic à la poursuite de l'Isard, sur les degrés neigeux de cet escalier de granit qu'on nomme les Pyrénées. Je rencontrais souvent dans mes chasses un brave montagnard, baptisé Johann Zaregui, qui faisait par métier ce que je faisais par plaisir. Les dangers communs créaient bien vite l'égalité. Nous avions souvent bu à la même gourde et couché dans le même manteau. Johann était le père d'Annonciade. Lorsque je quittai la montagne pour aller faire mon droit à Toulouse, il me pria timidement de lui permettre de m'envoyer quelquefois du gibier à la ville. Mon absence lui porta malheur. Le maire de Bagnères avait plusieurs fois demandé à Johann de lui donner sa fille Annonciade, qui était jolie et proprette, pour tenir sa maison, car il était veuf. Mais notre honnête montagnard avait chaque fois répondu fièrement « Ma fille ne sera jamais servante que de son père. » Le mot avait mal sonné aux oreilles de monsieur le maire, et pour se venger, il fit arrêter un beau jour Johann Zaregui, sous prétexte d'un délit imaginaire de braconnage sur sa propriété. Johann fut relâché au bout de 3 mois, mais pendant ce temps-là, sa femme et sa fille seraient mortes de faim si des contrebandiers ne leur étaient venus en aide. Ces sortes de gens foisonnent, comme tu sais, dans nos montagnes, et ils sont très bien vus par les paysans. Ceux-ci avaient fait de la cabane de Jean un de leurs rendez-vous de halte. Quand le bonhomme fut redevenu libre, il lit à connaissance avec ses braves compagnons, et comme il était fatigué de la chasse à l'Isard, il prit goût à leur métier, qu'il trouva plus lucratif et moins périlleux que le sien. Pendant plus d'un an, tout lui réussit. Le pays lui était familier. Un bon chasseur est la moitié d'un contrebandier. Il savait tous les détours des sentiers, le secret des abîmes, la crue des torrents, le grain qui présage au front du ciel bleu la rafale, le brouillard ou la neige. Lorsque nos contrebandiers étaient espionnés de trop près par les douaniers, ils se tenaient cachés dans une grotte creusée sous le plateau d'une roche énorme, derrière laquelle roule le gave. Là, Annonciade, dont on ne se méfiait pas, leur portait la nuit des provisions et les nouvelles. Elle avait déjà une très jolie voix que les bons compagnons mettaient à profit. Si aucun danger ne menaçait, l'enfant devait fredonner, en avançant vers la grotte, leur refrain favori, Io que soy contrabandista. Si elle soupçonnait une embûche, un espionnage, une trahison, elle entonnait la chanson populaire de Roland. Dans ce cas, les contrebandiers fuyaient de la grotte par une issue secrète qui s'ouvrait sur le gave et sautaient dans les barques amarrées au tronc des figuiers après y avoir jeté leurs ballots de marchandises. La précaution était bonne. Une nuit, Annonciade s'acheminait tranquillement vers la grotte par une pluie battante qui tombait depuis 8 jours sans relâche, et elle entonnait déjà l'air du Contrabandista lorsqu'elle crut voir reluire quelque chose dans les buissons qui bordaient le sentier, puis les buissons remuaient. Elle cessa aussitôt de chanter, puis voulut fuir, mais au même instant, dix douaniers l'entourèrent. Ce qu'elle avait vu reluire, c'était des canons de fusil. « Silence, ou tu es morte, Pécahir !» dit un des douaniers en lui meurtrissant le bras. « Non, dit le brigadier, il faut qu'elle continue à chanter en marchant vers la grotte. Si ces échappés des galères l'entendent toujours rossignoler d'une voix calme et sonore, ils ne se dévieront pas du traquenard. Ainsi, petite, reprends ta chanson et recoule-nous ça à plein gosier. » Annonciade sourit et recommença à chanter. Seulement les douaniers, qui l'écoutaient avec un certain plaisir, ne s'aperçurent pas que l'air n'était plus le même. Au bout d'un quart d'heure, la troupe arriva à la grotte, dans laquelle le brigadier se précipita le premier. Ce fut du zèle perdu. Il en sortit bientôt. « La cage est vide » s'écria-t-il. « Les oiseaux sont dénichés. La petite s'est moquée de nous. Qu'on lui mette les menottes !» On serra les menottes autour des poignets frêles et délicats d'Annonciade avec une telle violence que la douleur lui arracha un cri. Ce cri fut entendu de Johann Zarrégui au moment où le dernier de tous les contrebandiers, il venait de jeter ses ballots dans sa barque où il allait couper l'amarre. Il saisit sa carabine, grimpa comme un chamois sous le plateau et, ajustant le brigadier, il lui cria « Le premier qui touche à un cheveu de cet enfant, je l'étendrai de mort comme un chien !» Le brigadier poussa Annonciade devant lui, appuya sur sa tempe le canon d'un pistolet et répondit « Si tu bouges, Johann, si tu fais un pas en avant ou en arrière, je jure Dieu que je brûle la cervelle à ta fille !» Johann devint blême. Annonciade éleva un peu la voix et lui dit doucement « Sauve-toi, père, et ne prends pas souci de moi. On n'osera pas faire du mal à une petite fille. » « Si je me laisse prendre, reprit Johann qui suait à grosses gouttes, me donnez-vous votre parole, brigadier, de laisser aller ma fille en liberté ?»« Foi d'honnête de douanier, Johann. » Zarrégui jeta aussitôt sa carabine à terre avec tant de colère que la crosse se brisa et il alla tendre ses mains aux menottes. On détacha celle d'Annonciade. Pendant cette opération, Johann se pencha vers sa fille et lui dit 2 mots à l'oreille. Comme le brigadier tournait la tête pour donner quelques ordres, Annonciade s'élança leste comme un chat dans la grotte. « Où diable as-tu caché la petite ?» dit le douanier au père en se retournant. « Cherchez, » répondit Johann avec un sourire narquois. Ils montèrent tous sur le plateau de la roche, et de là ils découvrirent le gave bondissant comme un boa aux écailles d'argent, et au milieu du courant une barque qui filait avec la rapidité d'une flèche. Annonciade avait coupé la mare, et elle se laissait emporter par le fleuve. « Voilà mes ballots sur la grande route, brigadier, » dit en riant Zarrégui. « Si vous êtes bon nageur, courez après. »« Ce serait tenter Dieu, bonhomme, » répliqua gravement le douanier. « Et si ta fille est dans cette barque, je te plains. »« Pourquoi cela, brigadier ?» dit Johann avec une nuance d'inquiétude. « Parce que le gave est débordé depuis plusieurs heures. »« Débordé ?» cria le contrebandier qui devint livide. Et comme le courant est trop fort pour qu'un enfant de 12 ans puisse le couper, ta barque sera infailliblement entraînée vers le remous des dents de la guivre, poursuivit l'honnête brigadier. Zarrégui poussa un cri de rage et voulut se précipiter en bas de la roche. Ses liens le retinrent. Mais ma petite Annonciade est dans cette barque, hurla le malheureux. C'est toi qui l'as voulu, dit le brigadier impassible. Au nom du bon Dieu, laissez-moi me jeter à l'eau et sauver l'enfant, reprit Johann, l'écume aux lèvres et les yeux sanglants. Le brigadier haussa les épaules. « Je suis un honnête homme, je n'ai qu'une parole, » dit encore Johann, se contraignant pour parler avec douceur. « Vous êtes un père de famille, vous aussi. Vous avez des enfants que vous aimez. Laissez-moi me jeter à l'eau. Une fois ma petite Annonciade sauvée, je reviendrai. » Le brigadier hocha la tête. « Me prenez-vous donc pour un menteur ?» reprit le contrebandier, tremblant comme une feuille. « Je reviendrai, vous dis-je. Qu'est-ce que cela vous fait que je sauve ma petite fille ? Oh, les minutes passent. Pourquoi en voulez-vous à cet enfant ? Que répondrai-je à sa mère quand elle me demandera « Qu'as-tu fait d'Annonciade ?» Tu diras, mon ami Johan, que tu as commandé à ta fille de traverser le gave dans ta barque et qu'elle a voulu t'obéir. » Et le brigadier lui tourna le dos. Zarigui s'affaissa à terre comme un arbre foudroyé. Dans le pays, on appelait les dents de la guivre deux formidables écueils qui se dressaient à une demi-lieue de là, comme deux dents aiguës et blanches d'écume au-dessus des flots et qui barraient le passage entre le courant et la rive gauche du gave. L'impétuosité des eaux bouillonnantes qui se jetaient entre les écueils comme dans un gouffre avec un mugissement formidable avait créé un tourbillon ou remous d'une violence irrésistible. Barques, nageurs ou branches d'arbres, tout ce qui s'était laissé entraîner dans le cercle fatal courait, attiré par une force inconnue, plongé au centre du tourbillon. Le gouffre ne rendait jamais le moindre débris de ce qu'il avait englouti. C'était un endroit redouté et maudit, que les plus hardis pêcheurs regardaient comme infranchissable. Cependant, moi qui avais toute la témérité de mes 18 ans, je m'étais souvent promis à moi-même de tenter ce passage impossible. Ce soir-là, je revenais de la chasse, trempé de la tête aux pieds par la pluie, et je suivais la rive gauche du gave en écoutant le fracas lointain du remous, lorsqu'il me sembla voir une barque qui volait directement vers les dents de la guivre. Je me frottai les yeux, croyant rêver. J'entendis alors une voix douce et argentine entonner vaillamment le « Io que soy contrabandista » et je reconnus la voix d'Annonciade, qui ne se doutait certainement pas du danger qu'elle courait. Je n'hésitai pas une seconde sur ce que je devais faire. Je me jetai à l'eau, mon couteau de chasse entre les dents, et je me mis à fendre vigoureusement les vagues irritées, pensant un peu à l'excellent gibier que Johan Zarigui m'envoyait à Toulouse et beaucoup au bouquet de fleurs que la petite Annonciade ne manquait jamais de m'apporter quand elle venait à la ville me vendre des pourros et des régalias de la Havane et quelques flacons de Val de Pénas. Justice du ciel, j'atteignis la barque et j'y montai. Je montrai à la fille de Johan les deux écueils blanchâtres qui grandissaient et agitaient leurs linceuls de vagues écumantes, et je lui dis seulement « Silence, Annonciade, couchez-vous au fond de la barque et priez Dieu. Ce sont les dents de la guivre qui semblent venir à nous et vers qui nous allons. » Je saisis les rames, mais l'enfant épouvanté se cramponnait à moi, et malgré l'imminence du danger, je ne pus m'empêcher de tressaillir en sentant cette jeune et vivace étreinte. Cependant, je la repoussai et concentrai toute mon attention sur les écueils. J'avais remarqué que le courant s'y divisait en deux bras, dont l'un allait se perdre au gouffre et dont l'autre s'élevait d'un jet furieux au-dessus de la crête la plus rapprochée de la rive pour retomber comme une cascade de l'autre côté des dents de la guivre dans des eaux plus tranquilles. Je m'efforçai donc de maintenir à gauche notre coque de noix qui sautait comme un cheval piqué de l'éperon. Enfin, nous allions toucher l'écueil, qui secouait déjà sur nos visages la pluie de ses franges d'écume, lorsque je me levai et tendis fortement ma rame à l'encontre du rocher. Le choc fut terrible. La rame se brisa comme verre. Je fus renversé du coup au fond de la barque, qui recula et oscilla comme pour s'engouffrer dans l'abîme. Mais aussitôt, ainsi que je l'avais espéré, elle se redressa, soulevée sur le dos d'une vague nouvelle, franchit comme une bulle d'air la dent formidable sur un escalier d'écume et retomba sur la pente de la cascade sifflante dans des eaux calmes et sûres. Alors ce fut moi qui saisis dans mes bras Annonciade presque morte de frayeur et qui l'embrassai avec un transport de joie indicible en lui criant « Que Dieu soit béni, ta mère te reverra, cher enfant. » À dater de cette nuit terrible, la fille de Johan m'avait appelé son frère et tout le temps que je restais en Bigorre avant de partir pour Paris, nous nous aimâmes comme deux véritables enfants. Flora se plut à me rappeler mille détails puérils dont elle avait conservé un touchant souvenir. Que deux fois je l'avais aidée dans sa chasse aux papillons, qu'elle vendait aux naturalistes de la ville. Un jour, je l'avais cherchée en vain dans la cabane et dans la vigne du bon Johan, et je m'étais assis d'un air maussade au pied d'un figuier, lorsque j'entendis un rire moqueur au-dessus de moi. Je levai les yeux et je vis les branches du vieux figuier s'écarter et une petite tête brune aux grands yeux veloutés me sourire. Annonciade se mit aussitôt à chanter comme un rossignol et à me jeter des figues rouges dans mon béret, et chaque fois que j'en laissais échapper et rouler à terre, c'était des éclats de rire sans fin sur ma maladresse. La besogne terminée, pour la punir de ses moqueries, je l'avais embrassée sans qu'elle y fît grande résistance. Quels heureux jours! mais qui donc eurent connu dans la belle et grave Flora l'admiration du monde entier, la petite Annonciade si rieuse. Elle me raconta d'une voix altérée comment le pauvre Johann Zarégui, poursuivi par les douaniers un jour que la neige avait couvert tous les sentiers, était tombé au fond d'un précipice connu dans le pays sous le nom de trou aux fées. Ce premier malheur avait été suivi, comme toujours, de beaucoup d'autres, et je devinais combien cette âme noble et fière devait être blessée. Elle avait tant souffert qu'elle pouvait bien se défier des ronces qui avaient si souvent embarrassé ses pieds, des outrages qui avaient attenté au florissant éclat de sa jeunesse. Après la mort de son père, la misère l'avait forcée de quitter Bagnères. Elle était venue chercher fortune à Paris. Là, aucune des tentations dont on ne rougit pas d'humilier la pauvreté ne lui avait été épargnée. Elle avait chanté dans le ruisseau, à la porte des cafés, dans les tabagies enfumées, où les gros sous n'étaient plus rares que les bravos. Là, elle avait pu du moins se protéger elle-même contre l'insulte. Mais lorsqu'elle avait voulu monter plus haut, aspirer à chanter sur des tréteaux plus illustres, que de fange avait-elle trouvé à ses pieds, et quel découragement morne et profond l'avait accablée. Là, c'était un grand professeur qui lui promettait ses conseils, de la gloire, un avenir, mais il fallait payer ses conseils d'un prix déshonorant. Ici obtenait-elle l'audition d'un imprésario. Parvenu stupide, charlatan hors de service, cet homme ne lui demandait pas une preuve de son talent, mais le nom de son protecteur. Enfin, elle avait dû, à un hasard inespéré, le droit de se faire connaître du public. L'impresario du théâtre était alors le jouet, le hochet, le mannequin d'une favorite. Un jour, il se révolta contre cette femme qui le trompait avec une audace cynique. Il voulut se venger, et se souvenant de cette enfant pâle, timide et honteuse qu'il avait presque chassée de son cabinet, de cette fille bizarre qui avait, en rougissant d'indignation, rejeté les conditions d'un engagement servile, il l'envoya chercher. Ce ne fut pas sans peine qu'on parvint à découvrir la mansarde où nichait Annonciade. 15 jours après, elle débutait sous le nom de Flora. Un mois après, sa biographie et son portrait se vendaient partout. Mais elle avait conçu, du souvenir de sa vie de misère, un mépris sans bornes pour les hommes. Elle ne croyait plus à la sincérité des cœurs ni aux sentiments nobles. En vain, elle connut l'adulation effrénée des salons. En vain, le monde la déifia, jetant un voile sur son passé de misère. Flora prit place à la table des ambassadrices. Des duchesses l'appelèrent leur amie, pour qu'elle octroyât à leur salon le prestige de sa voix et de sa vogue. Mais elle garda sa sauvage fierté, et elle n'oubliait pas, au milieu de ses caresses, de ses flatteries, de ses présents, que ce monde n'avait pas eu pitié d'elle quand elle grelottait sous des haillons, quand elle laissait échapper des notes tremblantes de ses lèvres bleuies et raidies de froid. Chose singulière et qui prouvait bien la distinction de cette âme supérieure aux puériles distractions de la vanité, ses adulations, loin de l'enorgueillir, l'humilièrent. C'était une chaîne qui entravait son indépendance. Elle eut bientôt horreur de cette vogue niaise et misérable qui faisait d'elle une bête curieuse comme une girafe ou un nain. « Je ne veux plus servir à amuser ces gens blasés, rogues et ennuyés, » dit-elle, et elle cessa de paraître à ces fêtes du monde. Elle reçut seulement chez elle quelques amis choisis, pour qui son choix fut un honneur envié et un sujet d'orgueil. Elle n'aimait guère au monde que le public, ce sultan sévère, mais généreux et juste, qui comprenait son génie et qui la suivait de ses bravos en compagnon fidèle, éveillant son ardeur comme le fait la fanfare des clairons sur le soldat vaillant. L'art remplissait son esprit, mais son cœur était vide. Aussi, dans les coulisses, disait-on que Flora était une froide créature, qu'elle n'avait pas de cœur. C'était des danseuses qui parlaient ainsi, pauvre fille. Le fait est qu'elle doutait des hommes et de l'amour. Souvent, elle me disait, « Tenez, Paul, tous ces hommes disent trop que je suis belle et que j'ai un grand talent. Cela m'isole. Aucun ne m'aime. Si j'étais une grisette, qui sait, je serais peut-être aimée. » Et son sourire devenait amer. Et moi, dont le cœur se tordait de désir et d'angoisse, et à qui elle se confiait froidement sans se douter de mes tortures, je n'osais rien lui répondre. Puis elle ajoutait, « Certes, parmi eux, beaucoup sont capables de se ruiner pour moi. Le beau triomphe, tout comme ils se ruineraient en course, au Lansquenet ou en Paris, ce serait un sacrifice à leur vanité. il est de vieilles actrices décrépites pour qui des fils de famille font encore des folies. Mais que je quitte mes oripeaux de reine de théâtre, que je cache mes cheveux sous un chapeau fané, mes mains sous des gants flasques et ternis, et aucun de ces hommes ne voudra me reconnaître. Les femmes aiment facilement celui dont elles se croient violemment aimées. La question est de leur persuader. Pour moi, Lucien, j'échouais quand j'essayais un jour de vaincre ma sotte timidité. Elle me jeta un regard qui me glaça. « Restons amis, Paul, » me dit-elle avec tristesse. « Ne me faites pas perdre ma confiance en essayant de devenir un homme banal et vulgaire comme les autres. Ne m'humiliez pas en vous croyant obligé d'être galant avec une chanteuse d'opéra. Vous m'aimez comme un frère, parce que vous connaissez mon cœur, ou comme un artiste, parce que vous admirez ma beauté. Vous m'aimez peut-être aussi de souvenir. Mais c'est là une sainte et chaste affection qu'il ne faut pas gâter en l'exagérant et en lui donnant le nom d'amour. Il ne faut pas jouer avec le feu, Paul. Devait-elle donc ne jamais aimer ?